comme un nid en cage entre les murs de nos pensées, à pleurer des larmes de rage sur les vestiges de nos passés, à écouter sourd l'affront gronder la terre et puis trembler, à déchirer les pages sombres du livre de l'humanité. Je deviens fou, je deviens tombe, je fais silence, je deviens l'ombre, je grave ton nom et de tes nombres, ami, pourras-tu me sauver? À hurler pour les filles fleurs, par nous les hommes violentés, à pénétrer comme un voleur la blessure d'où nous sommes nés, à pointer ce monde et heure, à tant de monde des regrets, à prier le vent ravageur qui ma vie saura balayer. Je deviens fou, je deviens tombe, je fais silence, je deviens l'ombre, je grave ton nom et de tes nombres, ami, pourras-tu pardonner? À ne plus bouger, ne plus vivre, mais bien forcé de respirer, à cracher venin sur la rive, regardant la barque couler, à arracher la douleur vive du souffle d'un dernier baiser, à ne parler à âme qui vit, fermer les yeux et trépasser. Je deviens fou, je deviens tombe, je fais silence, je deviens l'ombre, je grave ton nom et de ton ombre, ami, sauras-tu me tuer? Je deviens fou, je deviens tombe, je fais silence, je deviens l'ombre, je grave ton nom et de ton ombre.